à Vidéo-Recherche. Avez-vous vu une Vénus au parfum envoûtant à la voix délicieuse? Je recherche une chimère de lumière dont même l'ombre est lumineuse, qui a tellement de lueur dans ses yeux qu'on peut apercevoir les cieux. Je recherche la demoiselle qui efface mes émotions néfastes. On a échangé des brides de conversation, avec amour et passion, elle a retenu mon attention, et j'ai bien l'intention de la retrouver, elle est entrée par effraction dans ma mémoire. C'est à elle que je trouve si belle que je dédie ses décibels. Elle a placé mon âme en détention provisoire. Chaque jour, je caresse l'espoir de la revoir. Dieu émeraude, cheveux châtains, il s'agit d'un appel à témoin. Si vous l'avez remarqué, n'hésitez pas à m'appeler. C'est à elle que je trouve si belle que je dédie ses décibels. Elle a placé mon âme en détention provisoire. Chaque jour, je caresse l'espoir de la revoir. Yeux émeraude, cheveux châtains, il s'agit d'un appel à témoin. Si vous l'avez remarqué, n'hésitez pas à m'appeler. Tous les jours, j'ai des visions, avec elle, je me vois en fusion. Son grain de peau était d'une pureté absolue lorsque l'on s'est croisé dans la rue. Le premier jour où je l'ai vue, extraordinaire, elle m'a paru. On ne peut pas le nier, c'est clair. Dans mes yeux, s'est dessiné un éclair. C'est clair, on ne peut pas le nier. Je suis sa victime, son prisonnier. Je me sens asphyxié, en manque d'air. Elle m'a sorcelé, je suis en manque d'elle. Je pense à elle et je deviens immortel. Je plaide coupable d'être fou d'elle. Comme faux d'elle, je pourrais le crier, le chanter. C'est à elle que je trouve si belle, que je dédie ses décibels. Elle a placé mon âme en détention provisoire. Chaque jour, je caresse l'espoir de la revoir. Yeux émeraudes, cheveux châtains, il s'agit d'un appel à témoin. Si vous l'avez remarqué, n'hésitez pas à m'appeler. C'est à elle que je trouve si belle, que je dédie ses décibels. Elle a placé mon âme en détention provisoire. Chaque jour, je caresse l'espoir de la revoir. Yeux émeraudes, cheveux châtains, il s'agit d'un appel à témoin. Si vous l'avez remarqué, n'hésitez pas à m'appeler. Sa gentillesse est en surcharge pondérale. Filante elle serait si elle était une étoile. Son charme est phénoménal, à en faire effondrer le Colisée. Son sourire radieux a irradié mes yeux. Entendre sa voix qui résonne, ça m'étonne, je frissonne, mon euphorie bouillonne. Ce pupille petit comme de la badoie, y'a pas que toi qui aimerais être dans ses bras. C'est à elle que je trouve si belle, que je dédie ses décibels. Elle a placé mon âme en détention provisoire. Chaque jour je caresse l'espoir de la revoir. Yeux émeraudes, cheveux châtains, il s'agit d'un appel à témoin. Si vous l'avez remarqué, n'hésitez pas à m'appeler. C'est à elle que je trouve si belle, que je dédie ses décibels. Elle a placé mon âme en détention provisoire. Chaque jour, je caresse l'espoir de la revoir. Yeux émeraudes, cheveux châtains, il s'agit d'un appel à témoin. Si vous l'avez remarqué, n'hésitez pas à m'appeler. Aujourd'hui, on en sait un peu plus dans l'investigation. Selon les premiers éléments de l'enquête, son nom serait Breton. Il s'agirait d'une personne au pouvoir de séduction colossale. Les autorités locales m'ont confirmé qu'elle n'était pas banale. Un groupe de personnes a témoigné. Il faut voir la réalité en face. Sa classe menace et fracasse toutes les glaces. Ils l'ont aperçu récemment. C'est tout pour le moment.